premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée au Japon et à son histoire. Demain, le documentaire d'Anaïs Quin et de Séverine Cassard s'intéressera à la vie et à l'œuvre de l'artiste Fujita, auquel le musée Mayol à Paris consacre une exposition à partir de la semaine prochaine, mercredi. Nous nous intéresserons aux dernières recherches sur l'histoire des femmes au Japon et jeudi, notre débat portera sur la figure du guerrier dans ce même pays. Quant à aujourd'hui, eh bien, nous allons réfléchir avec Anaïs Quin, qui co-animera cette émission avec nous, aux figures artistiques de l'après-seconde guerre mondiale au Japon, que ce soit en photographie, en théâtre, en danse, ou dans tous les autres arts, en compagnie de Myriam Sass, elle est professeure à l'université de Berkeley et auteur de Experimental Arts in Postwar Japan. C'était aux éditions de Berkeley Université. C'était Harvard East Asia Center. C'était aux éditions de Harvard il y a quelques années. Elle sera traduite pour nous par Eve Dair. Et Michael Luken est également avec nous. Il est professeur à l'INALCO à Paris et auteur dans le numéro 2 de la revue d'histoire de la photographie qui s'intitule Transborder. Mais on parlera de bien d'autres sujets que la photographie avec lui. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour à tous. Bonjour Michael Luken. Oui, bonjour Valentin. Bonjour à vous, Eve Dair, qui allait traduire quand il y en aura besoin, parce qu'elle parle français, notre invitée Myriam Sass. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, Myriam Sass. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence en France et plus largement en Europe ? J'ai une année sabbatique et j'ai voulu écrire et me concentrer. Et en plus, je suis affiliée au Centre d'études et de recherche comparatiste à Paris 3. Et je profite aussi des occasions de faire des recherches en commun avec les professeurs d'INALCO. Voilà, et donc en particulier Michael Luken. Alors, notre projet pour cette émission d'ouverture, Anaïs Quin, c'est d'évoquer l'après-seconde guerre mondiale, mais dans un domaine très particulier. Oui, peut-être plus particulièrement ces années 60 qui vous intéressent tous les deux, Myriam Sass et Michael Luken. Alors, peut-être pour recadrer un petit peu cette discussion et remettre en contexte ces mouvements de contestation politique, esthétique et sociaux qui naissent dans les années 60. Il faut préciser que, en ce début des années 60, le Japon n'est plus occupé par les États-Unis, Michael Luken. Oui, tout à fait. Théoriquement, mais la présence américaine est encore très forte. Oui, la fin de l'occupation américaine est en 1952, mais bien sûr, il reste des bases et il reste un partenariat extrêmement étroit à travers notamment le traité de sécurité nippo-américain dont le renouvellement chaque fois va poser problème. Alors, cette question, disons, esthétique, cette question des arts et de la communication dans ces années 60 est très marquée justement par l'après-seconde guerre mondiale, par l'horizon qui a été malheureusement celui des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Myriam Sass, est-ce qu'on peut dire que, effectivement, en prenant la société japonaise par ce biais, par cette vision des arts, on voit autre chose que quand on regarde, par exemple, la politique ou d'autres domaines de la société japonaise ? Oui, absolument. Je trouve qu'en regardant les arts et les artistes, on trouve une vision beaucoup plus compliquée. Il y a une narrative historique, politique, qui est un peu étroit. Il y a cette idée des années 60 comme des années de protestation inéquivoque, qui n'était pas ambivalent. Tout le monde était enthousiaste, sans problème. Et puis l'idée des années 70, des années de déception, l'idée qu'il n'y avait pas cet même esprit. Mais en fait, déjà dans les années 60, il y avait beaucoup d'ambivalence, beaucoup de complexité, beaucoup de subtilité dans les pensées des artistes, des étudiants, des gens qui participent. Vous voulez dire que jusqu'alors, quand on raconte cette histoire du Japon, on la raconte d'après la Seconde Guerre mondiale, on la raconte en disant, voilà, il y a des années très active, très révolutionnaire même au point de vue social, en tout cas où la question d'un espoir de renouvellement est présent dans les années 60, et que dans les années 70, c'est plutôt une déception. On raconte ça comme deux phases successives. Et ce que vous nous dites, c'est qu'en prenant le biais de l'art et des arts au Japon, eh bien c'est plus compliqué que cela. C'est cela, Myriam Sass ? Oui, c'est ça exactement. Par exemple, si on voit certaines œuvres d'art très bien connues, comme les films de Oshima Nagisa, ou en français Nagisa Oshima, de l'année 1960, des films comme Cruel Story of Youth, le conte cruel de la jeunesse. Oui, on voit qu'il y a déjà là des jeunes qui sans doute, si ça vaut la peine de participer aux protestations, qui baladent dans la ville, voyant les protestations, mais ne pas participant exactement. Et il y a un rapport dans ce film entre la sœur aînée, la sœur cadette, et la sœur aînée avait participé dans les protestations de l'année 1952, le moment qu'on a signé ce traité de coopération et sécurité mutuelle entre Japon et les États-Unis. Et l'idée dans ce film, c'est que dans les années 52, c'était les vraies protestations, les protestations à plein cœur et à plein corps. Et maintenant, il y a quelque chose de plus ambivalent. On est un peu dissocié. On ne sait pas si ça vaut le coup. On veut faire quelque chose en plein cœur, en plein corps. Mais on ne sait pas, même là, au commencement des années 60, on pense que c'est le moment le plus fort, le plus enthousiaste des protestations. On a une image là, des ambivalences, des difficultés. Anaïs Quin. Oui, Emmanuel a prononcé un mot important, je crois, Michael Luken, dans sa question à Myriam Sass, qui était l'espoir, la question de l'espoir dans les années 60, dans ces mouvements de contestation. C'est très complexe. D'ailleurs, vous expliquez bien dans votre article paru dans le deuxième numéro de Transborder que ce sont plutôt des, malgré ces protestations et cette exposition aussi de la protestation dans l'espace public qui se reconstruit, qui trouve de nouvelles formes, la question de l'espoir est assez loin de la dynamique de mobilisation des Japonais, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, dans ces années 60 remuantes. Oui, c'est tout à fait vrai. Je crois que cette idée, comme Myriam Sass l'a dit à l'instant, d'années 60 qui sont toutes entières tournées vers la protestation ne marche pas. Ça ne concerne qu'une frange, et même cette frange est éclatée. Et derrière, il y a évidemment, bien sûr, une action, il y a un sentiment de révolte, mais l'espoir est quelque chose de bien plus complexe. Et je crois qu'il faut le lier, c'est en tout cas ce que je tente de faire, avec toute cette réflexion qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale sur la responsabilité, au fond, des artistes, des intellectuels, de toutes les élites dans la participation à l'effort de guerre, et en particulier des mouvements de gauche, puisque vous savez qu'il y a eu ces volte-face, les communistes se sont ralliés aux nationalistes, puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, sont revenus au communisme. Bref, ça a cassé l'idée, au fond, qu'il y avait la possibilité d'un grand discours tenu par les élites. Et il y a eu, bien plus fort, par notamment Yoshimoto Takahaki, l'idée que c'était dans l'autonégation, que c'était l'autonégation qui pouvait permettre aux individus de reconquérir une forme de liberté. Qu'est-ce qu'on entend par autonégation ? Parce que c'est un concept complexe à comprendre pour des Européens, y compris maintenant. Je crois que ce que veulent dire les intellectuels, les artistes qui se revendiquent de l'autonégation à l'époque, c'est très lié avec le rôle des élites. Pendant longtemps, les élites, elles étaient par définition positives. Elles étaient dans l'affirmation. Et puis, à partir du moment où les étudiants, les intellectuels après-guerre se rendent compte qu'ils ont failli, eh bien, pour arriver à sortir de ce système, il faut que les élites elles-mêmes, dans un contexte de reconstruction mais aussi de massification, d'une certaine manière se sabordent pour pouvoir repartir à nouveau. Alors ça c'est une question intéressante parce que vous nous disiez, Myriam Sass, que c'était une période complexe, c'était une période ambivalente, cette période des années 60, parce qu'en même temps, dans votre travail, donc publié chez Harvard en 2010, sur la question des arts expérimentaux dans le Japon d'après la Seconde Guerre mondiale, vous expliquez que eh bien ce moment, c'est aussi un moment où on traduit un terme qui est un terme européen, le terme d'engagement, et qu'on le traduit quasiment phonétiquement. On dit engagement, je ne sais pas comment on dit, c'est ça? Oui, très bien. Écoutez, je ne parle pas japonais pourtant. C'était du japonais. Et donc, on dit engagement, et donc c'est une traduction de cette préoccupation de rentrer dans la société, de faire participer les artistes et les intellectuels à la vie sociale, et qui ne va pas très bien avec ce qui vient d'être dit par Michael Luken. Comment joue-t-on entre cette volonté d'engagement d'un côté et de l'autre côté cette idée qu'il faudrait être une sorte de négation de soi-même en tant qu'intellectuel ou artiste? C'est une bonne question. Pour moi, mon trajet intellectuel a commencé par les surréalistes des années 20 et des années 30 au Japon, qui étaient beaucoup aussi influencés par les Français et en dialogue avec les Français. Et là, déjà, on a cette idée de relation entre l'art et la vie, d'un désir et une idée philosophique à propos de ce lien entre la vie et l'art. L'art ne doit pas être quelque chose de séparé, d'autonome, peut-être d'autonome, mais pas d'une manière qui ne touche pas profondément à la vie. Mais cette idée de la vie en tant la conscience, la subjectivité, les normes linguistiques et tout ça. Alors, l'autonégation ou l'idée de examiner les formes de subjectivité que les personnes dans la société prennent, c'est déjà une forme d'engagement. Mm-hmm. C'est ne pas prendre comme données les formes sociaux, même les formes sociaux dans lesquelles on participe, mais de se questionner d'une manière profonde. Ça, c'est dans les années 30, en l'occurrence. C'est à ce moment-là? Non, c'est ce que je dis. Je dirais il y a ce voyage de Sartre en 1966 au Japon qui sur les questions de la subjectivité absolument. Alors je dirais fort. Moi ce que je dirais c'est que ça se passe dans les années 20 et les années 30 surtout dans le terrain où ce que j'étudie au moins c'est le terrain de poésie, des manifestes d'art dans le langage. Et dans les années 60, ça passe aussi d'une manière plus forte dans le royaume du corps, dans la danse, le théâtre, même le film, les manifestations. Pour moi, c'est comme ça que ça se développe. Oui, Michael Luken. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'au fond, l'autonégation comme élite, comme membre d'une société qui possède la raison et qui guide la population, n'est pas du tout contradictoire avec, au fond, l'engagement des corps, hein, mm-hmm. puisque précisément, c'est à partir du moment où on casse cette première étape que les individus peuvent concrètement, dans leur pratique quotidienne, en fonction de leur goût, de leur choix, se réinvestir socialement, artistiquement, linguistiquement. Anaïsien. Peut-être pour revenir sur ce terme d'autonégation qu'on est parti pour utiliser pendant toute cette émission. Finalement, cette autonégation, elle se traduirait par une défiance, mais une défiance libératrice, une défiance vis-à-vis des pouvoirs, une défiance vis-à-vis de sa propre place dans la société, Michael Luken. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si le mot autonégation, jikohite en japonais, est très courant à l'époque, il y a un autre mot qui est tout aussi courant, qui est jikokaiho, c'est-à-dire l'autolibération, et il fonctionne en duo. En dialogue, en duo. Alors, il y a quelque chose qui est très passionnant, puisque vous nous parliez des corps, en l'occurrence Myriam Sass, c'est qu'on voit naître des nouvelles formes. Oui. Et en particulier dans la danse, vous avez travaillé sur le buto, donc qui est une une rénovation, une transformation qui est très marquée justement par la Seconde Guerre mondiale, très marquée par la fin de la Seconde Guerre mondiale, par l'expérience atomique par exemple. Et ça, c'est véritablement la prise en compte artistique d'une réalité politique, sociale, culturelle, enfin je ne sais comment on peut la qualifier, enfin totale d'une certaine façon, parce que c'est la destruction totale de ville en l'occurrence. Et ça, c'est l'art le prend en charge à ce moment-là, dans les années 50, 60, cette question-là, la prend en charge? Oui, ce que je dirais sur le Buteau, c'est que des fois, quand ça arrive en Europe, on veut le comprendre comme quelque chose de japonais. Mm-hmm. Et pour le Japon, on sait qu'il y avait Hiroshima et Nagasaki, alors on veut voir des corps nus, blancs et un peu horribles, quoi. Et on veut avoir un sens, trouver un sens, quelque chose à comprendre là. Et parce ça n'est pas ce qu'il faut comprendre. Moi, je crois que ce qui se passe dans le Buteau, c'est ça va un peu autre part. Et ça a peut-être à faire avec ce que Michael Lucan avait, ce dont il a parlé de Jiko. Le Jiko, c'est le soi. Il y a beaucoup de... ou le self. Il y a beaucoup de mots en japonais pour ça. Il y a aussi Shutai, qui veut dire subjectivité. Et Jishin, c'est une autre manière de réfléchir sur soi. Mais pour moi, dans le Buteau, j'ai étudié le Buteau une fois, le moment où je suis arrivée au Japon avec Kazuo Ono, un des fondateurs. Et dans les ateliers, ce qu'il disait, il parlait tout un texte spontané de sa tête, très poétique. Et puis, il disait, dansez ça, dansez ce que j'avais dit, mais pas d'une manière ou de... mimétique. Mm-hmm. C'est-à-dire, si je parle de la mer, n'essayez pas d'être la mer, mais partez du mimétisme et entrez dans le royaume des esprits, rompre le langage et cette lien entre le corps et le langage et faire quelque chose. C'est très difficile à savoir quoi faire, mais de toute façon, il ne fallait pas imiter le poème, quoi. Oui, et donc ça veut dire que là, il y a aussi un malentendu du regard porté quand les hommes de théâtre, les films japonais, les danseurs japonais viennent en Europe ou aux États-Unis dans les années 50 ou 60. Tous les Européens ont en tête ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et tous les Européens, vous nous dites, veulent voir quelque chose dans ce qui se produit sur scène ou sur l'écran qui n'est pas forcément ce que veulent dire les artistes japonais qui se produisent sur ces scènes européennes ou américaines. C'est ce oui, que vous... il y a des concerns très différents locaux, mais c'est, les artistes aussi participent parce qu'ils veulent être vus, être entendus, avoir des lieux. Alors, ils aussi, ils écrivent des textes spéciaux en langue étrangère qui parlent de Hiroshima ou quoi que ce soit. Anaïs Kia. Oui, Michael Lucan, évidemment, lorsqu'on évoque la question de la danse, on évoque la question du corps et on a la sensation, et c'est peut-être ce qui a étonné il y a 2 ans lors de l'exposition consacrée à la revue Provoke, cette revue de photographie notamment japonaise qui n'a connu que 3 numéros mais qui est devenue mythique dans l'histoire de l'art du Japon des années 60. Ces films qui étaient montrés dans cette exposition, on voyait cet espace public littéralement envahi par la protestation sociale, par des ouvriers, par des agriculteurs, par des étudiants, et immédiatement fixé sur des images photographiques ou sur des images vidéo par les artistes qui suivaient les mouvements le plus tôt possible, il me semble. Et on a la sensation d'une reprise en main de l'espace public, d'une tentative d'habiter l'espace public de manière totalement rénovée dans ces années-là. Mais c'est peut-être simplement une impression occidentale aussi, parce que je crois qu'on avait rarement vu des films de protestation de Japonais en France, tout simplement. Oui, c'est vrai que ça a été un moment tout à fait unique, provoque à la toute fin des années 60, en termes, au niveau de l'histoire de la photographie. Ceci dit, l'idée que, au fond, cette exposition mettait en avant, à savoir celle d'une unité, d'une cohérence et d'une durée de la protestation, et me semble-t-il à pondérer, parce que bien sûr il y a eu un grand mouvement de protestation qui a duré plus de 10 ans. Ça c'est évident, ça commence à la fin des années 50 et ça va se terminer au début des années 70. En revanche, l'idée d'une cohérence est vraiment à mettre en avec un grand bémol, puisque il n'y a jamais eu, ne serait-ce que de front étudiant ouvrier comme il y a pu avoir en France en 68. Les manifestations étudiantes de 68-69 sont des manifestations étudiantes et strictement étudiantes, et souvent dans le cadre uniquement de quelques universités. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, Myriam Sass, dans votre travail sur les arts expérimentaux dans le Japon d'après-guerre. Il ne faut pas se leurrer, le milieu, mettons, expérimental de l'art, n'est pas relié au milieu des étudiants, pas forcément relié, qui n'est pas relié au milieu des ouvriers, et d'une certaine façon, chacun évolue dans son espace, mais il n'y a pas de rapport qui croise ces milieux en l'occurrence, alors qu'on a souvent voulu voir justement qu'il y avait cette idée du mélange entre les ouvriers, les étudiants, les artistes, les intellectuels, etc., etc. Oui, ce qui me vient à la tête, ça marche en français comme oui. ça En tête, on dit ce qui me vient en tête. Tête. Ce qui me vient en tête, c'est, vous pouvez me corriger, ça aide, c'est les films de Junichi Motoharu, ce qui étaient des films. Il y avait des collectifs d'étudiants, artistes, qui essaient de changer les formes de collaboration entre les artistes pour ce côté social, mais qui sont doutés du pouvoir de documentaire qui they doubted the previous forms of documentary. Ils remettaient en question les formes précédentes du documentaire. Et au lieu de faire des enregistrements normaux, formes précédents documentaires des protestations, il faisait le montage dans la caméra. Alors il prenait quelques petits frames, quelques cadres, et puis il s'arrêtait, et puis il le faisait encore. Et des fois il enregistrait les événements qui se passaient, et des fois il enregistrait les rues de l'université avec rien, ou même seulement avec les signes d'une protestation qui allait avoir lieu. Alors, il perçait cette illusion qu'un documentaire vous montre ce qui s'est passé pour avoir cette assurance représentationnelle. Il essayait de faire quelque chose de plus frappant, de plus choquant avec le documentaire. Et il y avait aussi Matsumoto Toshio qui faisait semblablement des expériments de montage en documentaire pour mêler ce front étudiant ou ces ouvriers avec les questions profondément artistiques et subjectives de perception. Mais c'était relativement rare que de les voir se rencontrer, ces préoccupations artistiques et de protestations ouvrières ou sociales. Moi, je dirais qu'il y avait des instances où il y avait des artistes avec des convictions très fortes du côté gauche qui étaient moins ambivalents. Et il y avait ce qui m'intéresse le plus, peut-être, qui sont les plus complexes, qui s'intéressent à cette question du rapport entre la subjectivité et l'objectivité, le personnel et le social. Anaïs Kien. Ce qui est frappant, c'est la dureté avec laquelle les artistes se jugent eux-mêmes et se disent être en échec aussi. Michael Luken, dans votre article dont on parlait, paru dans la revue Transborder, dans votre article, vous tentez de réévaluer l'œuvre de Taki Koji, qui est un des membres de cette revue Provoque, et qui finit par arrêter la photographie en affirmant que la photographie ne peut plus. Oui, et cette question que vous me posez, Anaïs Kien, me permet de rebondir au fond sur ce que disait Myriam Sass à l'instant, à savoir qu'au fond, il y a une grande réflexion, et qui est en même temps accompagnée d'une défiance vis-à-vis des médias modernes, et plus généralement du rapport de l'art à la technique. Et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas bien mesuré. En France, bien sûr, on a aussi une critique de la technique, mais elle me semble encore plus forte au Japon. C'est-à-dire que la technicité, la haute technicité serait une impasse pour la création. Que la haute technicité serait une impasse, et plus largement que dans le regard technique, dans les moyens que permet la technique, le cinéma, la photographie et bien d'autres outils, eh bien, il y a déjà des formes de domination. Que la domination est à même l'outil. Autrement dit, des pistes de réflexion qui ont été proposées par les intellectuels et philosophes de la théorie critique allemande et qui ont pénétré en France à la fin des années 60, voire dans les années 70, ont germé au Japon plus tôt, d'abord parce qu'il y a eu des liens avec l'Allemagne plus rapidement qu'il n'y en a eu avec la France, et puis parce qu'il y a sans doute une sensibilité très forte à ces questions techniques au Japon. Hey Joe, un titre de 1968 en pleine période dont on parle dans la Fabrique de l'Histoire avec nos deux invités, Myriam Sass et Michael Luquen, avec Anaïs Quin qui coanime cette émission et cette série d'émissions sur le Japon avec nous, à propos justement de la place des artistes dans le Japon de la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela aidé puisque Myriam Sass nous parle en français, mais elle peut passer à l'anglais lorsque c'est trop compliqué, par Evder qui est avec nous pour la traduire dans ce cas. Alors, on vient d'évoquer cette question de la photographie avec Michael Luquen, avec cette revue qui s'appelle Provoque, 1968-1969, trois numéros simplement, mais qui est une revue importante et à laquelle vous avez consacré un travail, Myriam Sass, dans ce livre qui s'appelle Experimental Arts in Postwar Japan. C'est une revue intéressante parce que on a dit à l'instant même que Taki Koji, qui était le fondateur de cette revue, avait l'impression qu'il ne pouvait rien rendre avec la photographie, et vous dites qu'il y a cette question de expérimenter le monde, dire le monde par l'art, ça devient impossible, comme si la fragmentation était simplement possible, on pouvait juste saisir des petits bouts de ce monde et pas autre chose. Et pourtant, on peut se dire que le cinéma de ces années-là, par exemple, est un cinéma qui tente à un moment ou à un autre de rendre une partie de la réalité. Et c'est en tout cas comme cela qu'en Europe ou aux États-Unis, on le perçoit dans ces années 60 en particulier. Oui, moi j'ai retourné un moment sur la photographie parce que cette idée de ne saisir qu'un fragment de la réalité du monde, cette idée c'est très fondamental, c'est même une partie de l'espoir de cette revue Provoque. Même dans leur manifeste, ils avaient écrit que pour to transcend individual subjectivity, transcender la subjectivité individuelle, pour échapper à cette subjectivité et pour pouvoir atteindre un petit clin d'œil sur la réalité ou la totalité du monde en général, ce qui est même dans le capitalisme, etc., ce qui est trop grand pour les individus, des grands systèmes, des grandes institutions. Il y a la photographie, la technique there's photography's ability, kind of technically. Il y a les capacités, les possibilités qu'offre l'art photographique. De saisir ce genre de petits fragments qui représenteraient peut-être la possibilité de saisir. Le tout. Le tout, ou un fragment de ce tout qu'un sujet ne peut pas appréhendre, c'est ça. Anaïs Kien. On se pose la question, Michael Duquesne, de savoir comment ces mouvements multiples, artistiques, sociaux, générationnels aussi, de remise en cause profond de ce regard, de cette lucidité sur le réel, de ce moyen d'agir sur le réel, impactent aussi à la fois le pouvoir politique et les institutions qui accueillent ces artistes et qui financent éventuellement ces artistes. Est-ce que ces débats-là ont un impact sur une réflexion politique aussi de réformation du système japonais? Alors sur le plan de la politique culturelle, non, puisque ça se passe pas du tout comme en France, il n'y a pas de Malraux au Japon. il y a un non-financement total des expérimentations d'avant-garde. Ce sont des mouvements qui sont entièrement auto-gérés, auto-financés, des structures qui sont du reste assez étonnantes, par exemple Zero Jigen, qui est un groupe vraiment très expérimental, sur lequel d'ailleurs un livre est paru en français il y a quelques années, eh bien, il était financé par un monsieur qui était électricien. C'était lui qui était à la fois artiste et électricien. Et il se débrouillait de cette manière. Donc, il n'y a pas de financement. En revanche, ce qu'on voit, c'est une... Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Il y a une réaction. Il y a une contre... Contre-culture, une contre-proposition en place. Autrement dit, de manière très forte, au cours des années 60, il y a des signes d'une réaction du pouvoir, de certaines élites, d'une partie de la société. Et ça concerne la liberté de la presse, ça concerne l'histoire, une certaine forme de révisionnisme. Bref, c'est un mouvement très fort dont Mishima est un des symboles et qu'il ne faut pas oublier. Oui, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, on pourrait imaginer que ces avant-gardes, parce qu'il y a un caractère d'avant-garde à ces manifestations, à la fois en photographie, en cinéma, dans la danse, etc., puissent être à un moment ou à un autre récupérées par le pouvoir. Et c'est visiblement ce que nous dit Michael Duquesne, ça n'est pas le cas. C'est au contraire un autre discours qui est tenu par les pouvoirs successifs au Japon, un discours qui conteste justement cette vision des artistes de la société et du monde japonais. Oui, vous parliez auparavant de Nakahira Takuma et ce problème où les artistes pensent que leurs efforts sont un échec. Alors, il y a une sorte d'incorporation une crainte de la part des artistes quand ils disent innovation de technique ou des innovations de manière d'aborder la photographie, la danse, etc., que ce soit pris seulement comme un style. Alors, il y a une incorporation des avant-gardes, comme historiquement aussi, dans les institutions de l'art. Il y a cette idée ou cette crainte de la part des photographes que leur style de arrêt, bourré, bokeh, c'est-à-dire out of focus, blurry, etc. Ce qui est flou. Le technique qui est normalement pas bon pour les photographes, que cette manière de prendre les photographes deviendrait qu'un style, n'aurait plus de signification au milieu de capitalisme, de société, de subjectivité. Un style sale, d'ailleurs. Oui. C'est toujours très bougé, très flou. Parfois, on a du mal même à comprendre immédiatement le sujet même de la photo ou de l'image en question. Et il y a tout de même dans cette contradiction, pourrait-on dire, un succès à l'étranger. Tous ces artistes dont on parle, qui sont des artistes d'avant-garde, vont venir sur les scènes du monde entier, vont rassembler des foules entières. Donc on pourrait se dire, Michael Duquesne, que le pouvoir, enfin quel que soit le pouvoir d'ailleurs, pourrait en tirer parti, que ce soit un pouvoir commercial ou un pouvoir politique d'une certaine façon. Et ça n'est visiblement pas le cas, c'est-à-dire que on ne profite pas du succès international de ces artistes pour pouvoir faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power, en l'occurrence visiblement de la part du pouvoir. Je crois que ça a été tenté en fait. La question est tout à fait juste. Il y a eu la création d'abord du Bunkacho, c'est-à-dire de l'Agence nationale pour la culture, à la fin des années 60, puis ensuite de la Fondation du Japon, qui est un organisme dépendant du ministère des Affaires étrangères. Et pendant, je dirais, une vingtaine d'années, dans les années 70-80, il y a eu en effet une volonté d'utiliser cette vitalité de la création. Et donc, le gouvernement a financé l'exportation du buto, l'exportation du cinéma. Et ça, c'est du côté des pouvoirs publics. Et bien sûr, il y a eu aussi des sociétés privées qui ont utilisé le succès, par exemple, de la photographie japonaise pour la promouvoir à travers le monde. Donc ça, c'est évident qu'il y a eu une tentative. Mais ce qui est frappant, c'est que ça a complètement cessé, je dirais, depuis les années 2000. En tout cas, après l'éclatement de la bulle au milieu des années 90. Et quand on voit ce qu'on est en train de voir dans le cadre de cette année Japon, qui se déroule en France, les manifestations vraiment font une place plus que congrue. Enfin, elles n'en font aucune, à vrai dire. Heureusement que votre émission est là, à tous ces mouvements contestataires. On est vraiment revenu à une vision très tradition et modernité. Anaïs Kien. Mais peut-être que cela s'explique par une difficulté à s'en emparer. On a après cette première partie d'émission, on a la sensation d'assister à un Japon des années 60 qui vit dans une sorte de flamboyance obscure, avec cette opposition permanente où la création et l'esprit créatif est très très vif, Myriam Sass, et en même temps dans un sentiment d'échec perpétuel. Et c'est peut-être cette dichotomie-là à laquelle on a du mal à s'affronter, et à laquelle peut-être le rapport à l'art occidental a du mal à intégrer cette histoire de l'art japonais de ces années-là. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a tous ces artistes qui sont en train de se questionner tout le temps. Ce n'est pas l'autonégation exactement, mais de mettre en question tout le temps leur processus. Et ça appartient au narratif d'avant-garde, d'opposition, de contre-culture. Mais, et même moi, quand j'écris dessus, j'ai tendance de vouloir mettre en valeur ce côté-là. Mais ces années maintenant, récemment, il y a une tendance aussi ou un trend de vouloir aussi regarder le côté commercial du culture de ces années 60. Le fait que beaucoup de ces artistes, il y avait des électriciens, mais il y avait beaucoup de monde qui participait dans les journaux en tant que advertising, les publicités, où ils avaient des commissions par les magazines et journaux, I guess also. Et ils avaient un soutien par la force économique du Japon de ces jours-là pour pouvoir faire leurs arts. Et il y avait aussi... C'est-à-dire qu'ils profitaient de cet essor de la société de consommation, de cette nouvelle embellie économique du Japon d'après-guerre. En tant qu'artistes, ils en profitaient autant que les autres, d'une certaine Absolument. Façon. Et il y a la question, mais qu'est-ce que cela veut dire si on fait une animation expérimentale dans le cadre de Sogetsu Art Center, le centre d'art de Sogetsu, qui est très, très expérimental? Et on utilise les mêmes techniques pour une publicité de Asahi Beer. La bière Asahi. Il y avait les mêmes artistes qui font presque les mêmes techniques dans ces deux côtés. Alors, il y a toujours ce genre de questions à poser. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, notamment le documentaire qu'on entendra demain sur Fujita. Ce lien entre l'art et l'artisanat, c'est quelque chose de fondateur dans la perception de l'art par les artistes japonais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien mettre au service son art pour un art expérimental avant-gardiste que pour des petites choses du quotidien, des boîtes d'allumettes ou des bouteilles de bière. Et c'est cela la nouveauté, c'est que dans les années 60, ça n'est plus possible d'être des deux côtés, du côté de l'art et de l'artisanat. Alors il y a le rhétorique des artistes. Le discours, que j'ai tendance à croire moi-même. Qu'ils sont absolument radicaux, qu'ils veulent chercher l'anonymat absolu. Et c'est seulement leurs mains, même séparées de leur tête, qui sont dans le dark room, qui font les développements, etc. La chambre noire. Et j'ai tendance à vouloir croire cela. Mais en même temps, si on regarde les pratiques, on voit beaucoup de très avant-garde sur la télé. Et on voit aussi que les artistes participent fortement dans le monde. C'est intéressant, Michaël Lequen, que ce double discours, ce double standard de se penser séparé du monde, pour en être une sorte d'avant-garde, et de l'autre côté, d'y participer pleinement par l'intermédiaire du développement de la société de consommation, comme le disait Anaïs Kia à l'instant même. Oui, c'est vrai. En même temps, je crois que ça nous pousse à essayer de remettre toute cette création artistique dans une perspective plus large, qui est celle de la massification de la société à l'époque. Et quand même, il faut avoir quelques chiffres en tête. Si on compare notamment avec le cas français, la France, elle connaît une poussée démographique importante après la Seconde Guerre mondiale, à peu près de l'ordre de 20% entre 1945 et 1965. Le Japon, c'est 37%. Donc 37% de la population est donc née après 1945, population très jeune. Donc c'est les mêmes tendances qu'en France, mais toujours beaucoup plus fort. Plus de nouvelles écoles qui sont créées. Une croissance qui n'est pas de l'ordre de 4-5%, mais qui est de l'ordre de 10-11 pendant une dizaine d'années. Donc ça fait beaucoup de parallèles avec ce qu'on voit en France, mais en même temps c'est beaucoup plus puissant. Autrement dit, tout le monde est pris dans ce mouvement, personne ne peut y échapper au fait que de nouveaux logements sont proposés à tout le monde, que de nouveaux transports sont proposés à tout le monde, qu'on a cette massification des médias. Donc tout le monde est concerné, les artistes n'échappent pas à ça. Bella io, mi so che io, o ma è no a troppo, se la isa da mega, o i cacche che io più, o le no, io me co è, non è ne chi cara, mi si ro, mi la ide, ca che te o ide io, du groupe The Mops, un groupe de rock fondé en 1966 par un groupe d'étudiants japonais, Haiku en l'occurrence c'est le titre. Anaïs Kien, nous continuons et terminons cette émission consacrée à la culture et à l'art au Japon dans les années 60 avec vous. Oui, Michael Lequen, vous nous parliez avant ce morceau de cette poussée démographique et de ce rajeunissement de la population japonaise. On n'a pas parlé justement de l'âge de ces artistes. En ce qui concerne le groupe de Provoke, finalement, à la fin des années 60, ils ont 30 ans, ce ne sont plus de très jeunes gens. L'un d'eux a 40 ans, d'ailleurs. On est loin de cette image de la jeunesse à l'occidentale qui se révolte à la fin des années 60. Oui, enfin, ce sont des gens qui, encore une fois, ont souvent commencé à produire à la fin des années 50, sont souvent engagés dans des mouvements protestataires lors de ces manifestations du renouvellement du traité de sécurité en 59-60. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier moment, un premier 68 d'une certaine façon japonais à la fin des années 50, qui produit cette génération de la fin des années 70, qui va inventer de nouvelles revues, qui va tenter d'inventer de nouvelles formes. C'est ça, avec cette première phase où on voit des choses, où là encore je dirais la dimension programmatique, où on espère véritablement une transformation politique de la société, existe encore de manière assez forte, et un espoir d'arriver à faire converger les forces. Et c'est quasiment plus le cas, à mon sens, en tout cas, à la fin des années 60. C'est terrible, d'ailleurs, cette fin des années 60. Oui, c'est ça qui est intéressant. Les années 60 elles-mêmes n'étaient pas très solaires, mais la fin des années 60, notamment à travers le destin des membres toujours de ce collectif, provoque, c'est une grande dépression qui commence à la fin des années 60, Myriam Sass. Oui, c'est très intéressant de dire que c'est une dépression des fins des années 60, parce que des fois, des gens disent, mais 68, c'est le moment, un moments très très forts de vitalité, en France, de vitalité. Les guitaristes dans la station de gare de Shinjuku et les gens qui sont beaucoup de monde qui se ressemblent. Mais il y a aussi les forces de police, la répression, les nouvelles règles dans la station de Shinjuku, où on a changé le nom d'un certain lieu dans cette station de Hiroba, c'est-à-dire plaza ou espace ouvert, à passage. Pour dire maintenant c'est un passage, il faut passer, il ne faut pas se rassembler ici, il ne faut pas faire des concerts de guitare. Et ça veut dire aussi que l'expo universelle d'Osaka en 1970 est visiblement assez souvent considérée comme le moment de clôture, alors que ça peut apparaître comme un moment, disons, de représentation du Japon pour le monde entier, comme les Jeux olympiques de 64 à Tokyo l'ont été aussi. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se referme, justement, comme le disait Anaïs Quien, à partir de ce début d'année 70, c'est que la déception ou la dépression, comme le disait Anaïs, était présente. C'est vraiment cela? Vous avez vraiment l'impression qu'il y a un moment de dépressif à partir de 70? Vous nous disiez qu'il était déjà là avant, dans les années 60. Oui, je dirais que dans les années, les représentations dans Bampoku, dans l'exposition universelle de Osaka de 1970, étaient déjà en préparation dans les années 68-69. Et alors, il y a cette fissure, cette division entre les artistes qui veulent prendre cette possibilité. Il y avait beaucoup d'artistes qui avaient participé, comme Matsumoto Toshio et Tange Kenzo. Il y avait beaucoup d'artistes très importants qui avaient fait quelque chose avec tout cet argent, toute cette occasion de solliciter un grand public. Et en même temps, il y avait des artistes qui disaient « c'est un sell-out ». Sell-out, c'est-à-dire on s'est vendu, on est… Oui, on se vend sur la place publique. Ce n'est pas la direction, ce n'est pas le proteste, c'est le se rejoindre avec le gouvernement et les forces industrielles. Ce n'est pas une bonne voie pour les artistes. Michael Luquen. Oui, on parlait tout à l'heure de la récupération ou de l'utilisation par le gouvernement des avant-gardes. L'exposition Osaka 70 en est vraiment l'exemple type. Et du reste, il y a eu énormément de protestations contre les mouvements qui ont rejoint l'exposition universelle. Donc, ce serait intéressant, en fait, d'examiner cette période en séparant des courants qui, pour certains, ont collaboré, d'autres n'ont pas du tout voulu rejoindre ce mouvement. Alors, d'autres courants seront présents dans la semaine avec vous, Anaïs Quien, en particulier un courant artistique, enfin, il est un courant artistique à lui tout seul, pourrait-on dire, Fujita, qui sera au cœur de votre documentaire que vous avez conçu avec Séverine Cassard, dont on va écouter un extrait à l'instant même. Ce documentaire, vous l'avez voulu parce qu'il y a une exposition qui va ouvrir la semaine prochaine. Oui, nous célébrons cette année, nous commémorons cette année plutôt. Célébration, méfions-nous. 50e anniversaire de la mort de Fujita, donc qui est mort en 1968. Fujita qui était une des éminentes figures le seul japonais aussi connu en France à l'époque de l'école de Paris, donc dans les années 20, dans ce Paris des années folles où il apparaissait partout, dans Paris Match, dans les gazettes spécialisées en art, mais c'était aussi une figure publique, une célébrité, une vedette de l'entre-deux-guerres en France à ce moment-là. Un extrait de votre documentaire. Dans les premières aquarelles qu'il va montrer en 1917, pendant la guerre, à tous ses amis de Montparnasse qui ne savent pas ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les cafés, il danse, il chante, il parle de Japon. Mais il ne parle jamais de ce qu'il fait en réalité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas très bien. Il cherche. Il est dans l'expérimentation la plus totale. Et le jour où il va commencer à accrocher ses premières peintures, à la galerie Chéron, qui est le marchand de Modigliani et de Soutine, les gens sont étonnés. Picasso reste pendant 3 heures dans l'exposition, il se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce japonais qui fait ni du japonais, ni de l'école de Paris, entre guillemets, qui ne s'appuie pas sur lui? Parce qu'il est tellement l'habitude, Picasso, de voir des cubistes qui naissent autour de lui. Ben non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et en même temps, On sent un peu l'influence de Brancusi, on sent l'influence un peu de Modigliani, on sent un peu l'influence de Picasso. Mais c'est très loin, c'est vraiment un autre. Connaissez-vous Fujita ? Tsukuharu Fujita, de la famille des samouraïs de Shibaken, est un homme à la mode. Chéron l'a lancé, Salmon a écrit sur lui une page exquise. Mon excellent ami Pascal Fortuny le présente aux populations en une préface débordante du plus généreux lyrisme. Voulez-vous que nous parlions un peu de sa peinture ? Elle est très jolie. Nul n'est plus intelligent, plus vertigineusement habile, mieux renseigné que ce Nippon volontairement déraciné. Il a pénétré à merveille l'art de ses devanciers, Moronobu, Korin, Okusai et Hiroshige. Il a regardé de très près les miniatures persanes. Il connaît à fond Marquet, Utrillo, le douanier et Marie Laurencin. Et il dose, malaxe, amalgame ces éléments hétéroclites avec une étincelante maestria, soigneusement dissimulée d'ailleurs sous le masque de la gaucherie et d'un primitivisme pseudo-naïf qui en double la saveur. Ah, que Fujita est donc fort! Ce japonais parisianisé manie les gris, les blancs, les noirs, les roses apâlies et nuancées, avec un tact suprême. Ces paysages citadins ravissants atteignent des prix fous. Fujita sera très riche, idolâtré des salons, et Marcel Samba placera ses Fujita à côté de ses Matisse. Un extrait donc du documentaire qu'on pourra écouter demain et que vous avez donc conçu avec Séverine Cassard. On continuera la semaine. Et dans lequel on pourra retrouver d'ailleurs aussi Michael Lucan, oui, puisque vous avez travaillé aussi sur Fujita. Exactement. Et mercredi et jeudi, on continuera sur d'autres thèmes de l'histoire du Japon. Oui, mercredi, les femmes et le féminisme japonais. Et jeudi, on s'intéressera aux figures plus masculines du guerrier japonais, du samouraï au kamikaze. Merci donc à vous. Merci beaucoup Myriam Sass d'être venue nous donner rendez-vous ici dans cette émission pour ouvrir cette série d'émissions consacrées au Japon. Je rappelle que votre livre s'appelle « Les arts expérimentaux dans le Japon d'après la guerre » et que vous êtes donc avec nous. On pourra peut-être profiter de vous pendant les quelques mois qui nous restent avant que vous repartiez aux États-Unis puisque vous enseignez à Berkeley. Merci en tout cas d'avoir fait l'effort de parler en français et merci à Eve d'avoir été avec nous aussi pour pouvoir, Eve Der, pour pouvoir traduire vos propos si vous aviez eu un problème, mais on l'a compris que vous n'en avez pas eu beaucoup. Merci à vous, Michael Lucan, d'avoir participé à cette série d'émissions également. Oui, merci Emmanuel Laurentin, merci Anaïs Kerr. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille et Francesca Fossati. Nous avions la chance d'avoir à la technique aujourd'hui avec nous Emmanuel Morse-Dincan et à la réalisation Séverine Cassard.